t'es, moins je pleure. Plus ça va et moins ça va. Et plus c'est toi et moins c'est moi. Plus ça va et moins ça va. Et plus c'est ça. Et plus c'est toi et moins je me vois. Et c'est plus ça. Je fais ceci et je ne ferai pas ça. Je veux rester avec toi. Je suis ici, je ne vais pas là. Et je vais partir mais sans toi. Je suis ici et je ne